Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Fable de La Fontaine, livre second de Jean de La Fontaine. Fable 5, la chauve-souris et les deux belettes. Une chauve-souris donna tête baissée dans un nid de belettes, et sitôt qu'elle y fut, l'autre, envers les souris de longtemps courroucées, pour la dévorer accourut. « Quoi ? Vous osez, dit-elle, à mes yeux vous produire, après que votre race a tâché de me nuire ? N'êtes-vous pas souris ? Parlez sans fiction. Oui, vous l'êtes, ou bien je ne suis pas belette. Pardonnez-moi, dit la pauvrette, ce n'est pas ma profession. Moi, souris ? Les méchants vous ont dit ces nouvelles. Grâce à l'auteur de l'univers, je suis oiseau, voyez mes ailes. Vive la gent qui fend les airs. » Sa raison plut et sembla bonne. Elle fait si bien qu'on lui donne liberté de se retirer. Deux jours après, notre étourdie aveuglément se va fourrer chez une autre belette aux oiseaux ennemis. La voilà derechef en danger de sa vie. La dame du logis, avec son long museau, s'en allait la croquer en qualité d'oiseau quand elle protesta qu'on lui faisait outrage. « Moi, pour tel passé, vous n'y regardez pas. Qui fait l'oiseau ? C'est le plumage. Je suis souris, vive les rats. Jupiter confonde les chats. » Par cette adroite répartie, elle sauva deux fois sa vie. Plusieurs se sont trouvés qui, d'écharpes changeant, au danger, ainsi qu'elle, ont souvent fait la figue. Le sage dit, selon les gens, « Vive le roi, vive la ligue !» Fin de la fable 5, livre second, La chauve-souris et les deux belettes.